Chapitre 14. Le Third Horizon. Vingt-cinq minutes avant l'impact. Avar Chris se tenait sur la passerelle devant le mur de projection du Third Horizon, où s'affichait toujours le système Hetzal. La crise avait évolué. On était passé de la réaction pure à la gestion. Aucun nouveau fragment n'avait émergé de l'hyperespace depuis un moment, et on avait réussi à s'occuper d'une façon ou d'une autre de beaucoup des projectiles existants. Maître Chris écoutait toujours le chant de la Force et savait que d'autres Jedi arrivaient peu à peu dans le système, prêts à mettre leurs talents au service de l'opération de sauvetage. Sur l'écran, elle vit Jorah Mali et Skeer exécuter une manœuvre complexe aux côtés de deux longs beams de la République, détruisant un fragment avant qu'il ne percute un transport qui convoyait plusieurs milliers de réfugiés. « C'est fait », annonça Jorah à la com sur un ton détaché. « Merci, Maître Mali », répondit l'amiral Cronara qui se trouvait à la gauche d'Avar. « Je ne savais pas si vous arriveriez à temps. »« Remerciez la Force, amiral », dit Jorah. « Et vos équipes, nous avons livré un effort commun. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois déterminer comment Skeer et moi pouvons désormais nous rendre utiles. » « Il y a un problème », songea Avar. Elle en était convaincue jusque dans ses os, sans pour autant parvenir à distinguer ce qui causait cette impression. « Un appel de Coruscant, amiral !» annonça l'un des officiers de pont. « De la chancelière Sow qui demande un rapport sur la situation. « Transférez-la-moi, lieutenant. Je crois que les bonnes nouvelles vont lui faire plaisir. » Cronara se tourna vers Avar en souriant. On ne pouvait pas qualifier son attitude d'enjouée. Des habitants étaient morts dans ce système et on ignorait encore ce qui avait provoqué la catastrophe. Mais il avait de toute évidence l'impression d'avoir accompli son travail à merveille, à l'improviste et sans préparatif. La compétence, la formation et l'improvisation inspirée avaient triomphé. C'était l'issue parfaite pour un militaire. « Je sais que je devrais m'abstenir de le dire, » commenta l'amiral Cronara, « mais je crois que le pire est derrière nous. »« Vous devriez vous abstenir en effet, » songea Avar. La Force chantait toujours dans son esprit et au beau milieu de la mélodie, elle percevait encore un immense vide. Un silence. Quelque chose manquait. L'amiral s'approcha d'une station com pour prendre l'appel de la chancelière. Avar ne détacha pas les yeux de l'écran. « Qu'est-ce qui m'échappe ?» se demanda-t-elle. « Quel détail ?» Quelque chose attira son attention. L'une des anomalies hyperspatiales au plus profond du système, non loin du plus grand des trois soleils de Hetzal. Avar fit signe au plus proche des officiers de pont et désigna l'affichage. « Regardez, » dit-elle en lui montrant l'anomalie en question. « De quoi s'agit-il, lieutenant ?» L'officier examina la zone. « De l'un des fragments, maître Chris. Il n'abrite aucun être vivant et nous pouvons donc plus ou moins l'ignorer, heureusement. »« L'ignorer ? Pourquoi ?» Il pianota sur son datapad. Une ligne pointillée apparut à l'écran figurant la trajectoire du projectile. Il allait suivre une brève courbe à travers l'intérieur du système avant de disparaître dans le soleil. « Comme vous pouvez le constater, » expliqua le lieutenant en montrant l'affichage, « il va tomber dans cette étoile et se vaporiser. Un coup de chance, vraiment, parce que nous ne disposons d'aucun vaisseau à proximité. Il a émergé de l'hyperespace à l'intérieur du système, près du centre, et la plupart de nos ressources sont déployées ailleurs. » Avar se rembrunit. « Il y a autre chose, un aspect particulier. » La Force a attiré mon attention sur cet objet et nous devons découvrir pourquoi. En connaissez-vous la nature ? La nature spécifique ? L'officier hésita et plissa les paupières en fixant l'écran comme si celui-ci pouvait lui révéler une information inédite. Il se trouve trop loin des senseurs de bord pour que nous obtenions des données supplémentaires, madame. Je peux me renseigner auprès des administrateurs hetzaliens, cela dit. Ils ont peut-être des satellites plus proches qui pourraient nous éclairer. Je vous en prie, oui. Acquiesça Avar. Faites vite. L'officier hocha la tête et s'éloigna en direction d'une console de communication. L'amiral Cronara, revenu de sa conversation avec la chancelière, reprit sa place à côté d'Avar. Qu'y a-t-il, maître Jedi ? Je ne le sais pas encore, amiral, répondit-elle. Fions-nous à la force. Oui, bien sûr. Comment va la chancelière ? Je dirais qu'elle est soulagée. La journée n'a pas été bonne, mais elle sait que nous aurions pu subir bien pire. La chancelière Sow m'a posé énormément de questions auxquelles je ne pouvais pas encore répondre sur la source des anomalies, la probabilité que le phénomène se reproduise, ce genre de choses. Elle réfléchit sur le long terme. C'est son travail. Que croyez-vous qu'elle fera ? Si vous voulez mon avis, je pense qu'elle craint une sorte d'attaque. Je sais que c'est improbable, mais pas impossible. Les ennemis ne vous préviennent généralement pas lorsqu'ils ont l'intention de s'en prendre à vous. Et la plupart du temps, ils n'envoient pas non plus des compartiments de passagers pleins et dépourvus de moteurs, amiral. De quoi pourrait-il bien s'agir ? Une sorte de force d'invasion ? Je mentirais en prétendant que je le sais, maître Chris. Peut-être utilise-t-il une sorte de tactique bizarre que nous ne comprenons pas encore. Ce qui compte, c'est que nous ayons été là pour aider à les arrêter et... Capitaine ! Madame ! Les interrompit le lieutenant. L'amiral et la Jedi se tournèrent pour le regarder. Blême, l'officier semblait au bord du désespoir, comme s'il venait de se jeter du haut d'une falaise. Vous savez que nous rassemblons les données de nos propres senseurs et les ressources du système coordonné par l'intermédiaire du bureau du ministre à Aguirre City. Leur principal technicien est un homme du nom de Kevin Tarr. Il a accompli des prouesses remarquables en maintenant en fonctionnement le réseau de satellites malgré toutes les avaries consécutives à l'incursion hyperspatiale. C'est très impressionnant, à vrai dire. Et, lieutenant, je vous prie, le coupa l'amiral Cronara. Qu'est-ce qui se passe ? L'officier hocha la tête et reprit. Tarr a mobilisé tout ce dont il disposait afin d'obtenir un scan de l'anomalie qui préoccupait Maître Chris, celle que la Force lui a désignée. Il s'agit d'un module conteneur énorme qui a vraisemblablement subi des dégâts. Il présente une fuite, très légère mais suffisante pour que le réseau de Tarr ait pu procéder à une analyse spectrographique. Le lieutenant prit une profonde inspiration. Du Tibana liquide. Il ne contient que ça. Et l'étoile vers laquelle il file est de classe R. L'amiral Cronara lâcha un juron, ce qui ne manqua pas d'étonner Avar. Plutôt grave, j'imagine, s'enquit-elle. L'amiral fixa l'écran un moment en serrant les dents. En toute franchise, il se tourna vers elle. Ça ne pourrait pas être pire.